بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous sommes arrivés à la sourate Al-Kafirun. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. Pourquoi ça fait ça? Il y a quelqu'un qui sait ou pas? قل يا أيها الكافرون قل comme d'habitude c'est-à-dire يا محمد قل يا محمد أيها الكافرون أو les mécréants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux kuffar en les appelant ou les kafirun. Al-kafirun, c'est-à-dire ceux qui font al-kufr. Al-kufr, c'est al-kufr huwa ضدul iman. Al-kufr, c'est le contraire de iman, de la foi. Et al-kufr, il peut être de plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes de kufr. Il y a par exemple kufr al-takzib, le fait de ne pas croire. C'est-à-dire de renier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-kufr également, ça peut être kufru istikbar. C'est-à-dire que la personne au fond d'elle, elle croit à ce que le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, mais par orgueil, elle le renie. Donc le fait qu'elle y croit, ça ne lui sert à rien. Ça, c'est pas de la foi. Si elle le renie verbalement, par orgueil, eh bien c'est du kufr. Par exemple, avec l'histoire d'Iblis, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit Abba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Iblis, il n'a pas dit, par exemple, Allah, il ne m'a pas dit de se prosterner devant Adam. Il n'a pas renié ça, puisque Allah s'est adressé à lui. Mais il n'a pas accepté l'ordre d'Allah par orgueil. C'est-à-dire, par orgueil, il a refusé ce commandement d'Allah. Ben, ça a constitué du kufr. Et à la base, en fait, le mot kafara, il veut dire couvrir. À la base, ça veut dire recouvrir quelque chose. Et pourquoi donc al-kufr, la mécréance, Allah l'a appelé kufr? C'est parce que c'est comme si le kafir, il recouvre la foi. C'est-à-dire, il refuse de croire la vérité, il la cache, même au fond de lui. C'est-à-dire, parfois, il le sait, mais il le cache, il fait semblant de le démentir, si on veut. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Je n'adore pas ce que vous adorez. Donc, al-ibada, on avait déjà expliqué, al-ibada, ça veut dire al-ta'a. L'obéissance et la soumission. C'est ça le sens de al-ibada. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Je n'adore pas ce que vous adorez. Donc, ceux à qui ils s'adressent, qu'est-ce qu'ils adorent? Les adorent, Allat, Uzza, Manat, Hubal, etc., etc. C'est-à-dire leurs idoles. Et leurs idoles, elles étaient de différentes sortes. Parfois, c'était des temples qui étaient faits sur, par exemple, un arbre. Parfois, c'était comme une sorte de temple sur un rocher. Parfois, c'était la statue qu'ils adoraient. Parfois, la statue, elle faisait référence à un homme qui était mort il y a longtemps. Donc, il y avait différentes sortes de ma'boudat. Ils adoraient également les anges. Parfois, ils les représentaient, ils les adoraient. Donc, leur ma'boudat, leur divinité qu'ils adoraient, elles étaient de différentes sortes. Wala antum abiduna ma a'bud. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est-à-dire, vous n'adorez pas Allah. Ici, quelqu'un il pourrait dire c'est bizarre parce que dans la Sira, on voit bien que les mécréants de Quraysh, ils croyaient en Allah. Ils avaient foi en Allah. Donc comment ça se fait que Allah dit Wala antum abiduna ma a'bud. Hajar, Hajar, va là-bas. Va, allez. C'est parce que même si ils vouent des actes d'adoration à Allah, comme leur adoration n'est pas pure, elle n'est pas avec un ikhlas, c'est-à-dire qu'ils adorent Allah et ils adorent aussi leur Dieu, eh bien ça compte pas. C'est-à-dire, du point de vue de la religion musulmane, leur ibadah ne compte pas. Donc c'est comme s'ils n'adoraient pas Allah. Donc quelqu'un, par exemple, qui adore Allah, il le prie, il fait des actes d'obéissance pour lui, mais à côté de ça, il adore aussi autre qu'Allah, on peut dire de lui, la ya'budullah. Pourquoi? Parce que normalement, la ibadah, elle doit être avec ikhlas, c'est-à-dire elle doit être seulement faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sa ibadah, elle ne va pas compter. Donc c'est comme s'il ne l'avait pas faite. Wala ana abidun ma abadtum. Et je n'adore pas ce que vous adorez. Donc là, il y a une différence avec le premier verset. Le premier verset, il dit La a'budu ma ta'budun. Donc, a'budu, c'est un verbe. Je n'adore pas. Et là, il dit Wala ana abidun ma abadtum. Le sens, il est le même. Mais abid, c'est un isme, c'est pas un fi'l. Donc, il peut y avoir une nuance entre les deux. Et quelle est la nuance? Certains savants, ils disent en fait, la a'budu ma ta'budun, ça veut dire maintenant. Wa la ana a'abidu ma abadtum, ça veut dire pour toujours. Je les adore pas maintenant et je les adorerai jamais. Et d'autres, ils disent aussi, Allah, ça c'est l'imam al-Tabari, rahimahullah, ce que je viens de vous dire, lui il dit ce tafsir-là. C'est-à-dire que ça veut dire la a'budu ma ta'budun al-an, maintenant. Voilà, ana abidun ma abadtum, plus tard. Donc les deux premiers versets, la abudu ma ta'budun, voilà antum abidun ma abud, c'est-à-dire maintenant. Et ensuite, voilà ana abidun ma abadtum, voilà antum, et il répète, voilà antum abidun ma abud. Et vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire pour toujours. Mais à ce moment-là, comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au kuffar, et vous n'adorerez jamais ce que j'adore? Peut-être qu'ils peuvent entrer dans l'islam. Alors comment ça se fait qu'il leur dit Wala antum abiduna ma'abud dans le sens plus tard. Donc l'imam al-Tabari, il explique, rahimahullah, en fait ce verset, il concerne certains kuffars de Quraysh. Comme par exemple Utba ibn Rabi'a, Al-Walid ibn al-Mughira, Abu Jahl, Ubay ibn Khalaf, Umayya ibn Khalaf, Abu Lahab. Shayba ibn Rabi'a, ça c'était son adi de Quraysh, comme on dit, les grands chefs de Quraysh. Et eux, ils sont jamais entrés dans l'islam. Et la plupart, donc Utba ibn Rabi'a et son frère Shayba, et Umayya ibn Khalaf, Abu Jahl, où est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts à Badr. Ubay ibn Khalaf, il est mort à Uhud. Et Abu Lahab, lui, il n'est pas parti à Badr, il est mort sur son lit. Et il était tout. C'est-à-dire qu'il a attrapé une maladie qui a fait qu'il était pourri. Et ses enfants, pour l'enterrer, ils ont dû prendre des bâtons et faire pousser son cadavre jusqu'à un trou. Parce qu'ils étaient obligés, ils ne pouvaient pas entrer et le prendre normalement tellement ils sentaient mauvais, tellement ils avaient peur d'attraper une maladie. Adhaban min Allah, c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si le verset il veut dire les deux premiers versets, maintenant, et les deux d'après, après. Ça veut dire que ça parle seulement pour son adi de Quraysh. Ça ne parle pas pour tous. Parce que parmi Kuffar Quraysh, il y en a qui sont entrés dans l'islam par la suite. Même Minas Sanadid, comme par exemple Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, ou alors Abu Sufyan ibn Harb, radiallahu anhu. D'autres, parmi les grands Ashraf Quraysh, ils sont entrés par la suite dans l'islam. Mais l'ayah, on peut le comprendre aussi autrement. Et les ayats parfois du Coran, ils peuvent avoir plusieurs sens. Donc ça c'est un des sens. L'autre sens c'est la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. C'est-à-dire ma al-mawsoula. La a'budu alladhi ta'budun. Yani Lat wal-Uzza wa Hubal. Je n'adore pas ce que vous adorez, c'est-à-dire les divinités. Wa la antum abiduna ma a'bud. Yani Allah. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Ensuite, les deux versets d'après, Wala ana abidun ma abadtum ma al-masdariya. Et voilà ana'abidun ibadatakum. Ça ne veut pas dire je n'adore pas ce que vous adorez. Ça veut dire je n'adore pas comme vous. On ne fait pas la même ibada. Voilà antum abiduna ma a'bud, et voilà antum abiduna ibadati. Yani ka ibadati. Ibadati shay ou ibadatukum shay'un akhar. Donc ça ne veut plus dire la même chose. Les deux premiers versets ils veulent dire vous n'adorez pas ce que j'adore, et je n'adore pas ce que vous adorez. Et les deux versets d'après, et je n'adore pas de la même façon que vous, et vous n'adorez pas de la même façon que moi. Pourquoi? Parce que la ibada du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est basée sur al-wahi. C'est-à-dire, la ibada du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle consiste à suivre seulement ce qu'Allah a révélé. Et alors que Quraysh, eux, leur ibada, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de ce qu'ils ont hérité d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, et de ce qu'ils inventent. Donc c'est pas la même façon de. C'est pas la même ibada. C'est pas la même méthode. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa salam, sa ibada, c'est le tawhid. C'est-à-dire, il adore Allah seul. Il se tourne vers Allah, il demande à Allah, il fait confiance en Allah. Eux, leur ibada, c'est prendre des intermédiaires, adorer des dieux pour qu'ils soient intermédiaires entre eux et Allah. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils disent cela, ce sont nos intercesseurs entre nous et Allah. C'est-à-dire, quand ils veulent quelque chose, quand ils veulent la pluie, quand ils veulent la santé, quand ils veulent des enfants, au lieu de demander à Allah, ils savent qu'il n'y a que Allah qui peut le faire. Au lieu de demander à Allah, ils adorent leur divinité pour que leur divinité intercède auprès d'Allah, pour que leur divinité demande à Allah. Et également, dans un autre verset, Allah dit: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. يعني قربان. Une autre chose, pourquoi ils adoraient les divinités? C'est pour que les divinités les rapprochent d'Allah. Donc ce n'est pas la même ibada. La ibada de l'islam, c'est directement entre l'être humain et Allah, et c'est le tawhid. Alors que la ibada des mushrikines, c'est de prendre, d'adorer d'autres alihas qu'ils inventent pour que ces alihas, ces divinités, elles les rapprochent d'Allah, ou qu'elles demandent pour eux à Allah. Ça va là, s'il te plaît. Voilà. Entre les personnes. Donc voilà antum abidun ma a'bud, voilà ana abidun ma abadtum, voilà antum abidun ma a'bud, lakum dinukum waliya din. À vous votre religion, vous avez votre religion, waliya din, ay waliya dini, et j'ai ma religion. Din ici, dans le dernier verset, waliya din, comment ça finit? Est-ce que c'est waliya dinun? C'est quoi la haraka dessus? C'est le kasra. Waliya dini. Pourquoi? Parce que normalement c'est waliya dini. Et en arabe, dans l'arabe littéraire, on peut, quand il y a ya al-mutakallim, par exemple dini, ou par exemple quand Allah dit fahaqqa iqab, ay fahaqqa iqabi. Donc le i qui est à la fin, des fois il peut sauter. Et il y en a beaucoup comme ça dans le Coran. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa. Normalement, liyabuduni, le i, il a été coupé. C'est parce qu'en arabe, il parlait comme ça. Donc, waliyadin, ay waliyadini, mais le i, il a été enlevé. Donc, on va lire ce que dit al-Sheikh al-Sa'di, rahimahullah. Ay qul lil kafirina mu'linan wa musarrihan. Donc, le verset, il le dit, dis aux mécréants mu'linan, c'est-à-dire dis-leur clairement, publiquement. La a'budu ma ta'budun, ay tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah zahiran wa batinan. C'est-à-dire qu'Allah a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam at-tabarru, al-bara, c'est-à-dire de se dégager de ce que les autres ils adorent en dehors d'Allah. C'est-à-dire il doit se désavouer de ce que les autres ils adorent en dehors d'Allah, intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire, c'est pas seulement que lui, il pratique l'islam et il fait semblant d'aimer leur divinité, par exemple. Il faut que ce soit à la fois en secret et aussi en public. C'est-à-dire qu'en public aussi, il doit leur dire que la a'budu ma ta'budu. Wa la antum a'bidun ma a'bud li'adami ikhlasikum lillahi fi ibadati. Et vous n'adorez pas ce que j'adore, il explique, parce que vous n'avez pas l'ikhlas dans l'adoration d'Allah. Vous adorez Allah mais sans ikhlas, c'est-à-dire vous ne l'adorez pas seul. فَعِبَادَتُكُمْ لَهُ الْمُقْتَرِنَةُ بِالشِّرْكِ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً. Donc le fait que vous adoriez Allah, mais en faisant du shirk, ça ne s'appelle pas عِبَادَة. ثُمَّ كَرَّوَ ذَلِكَ لِيَدُلَّ الْأَوَّلُ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْفِعْلِ وَالثَّانِي عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ وَصْفًا لَازِمًا. Ça c'est une troisième explication encore. Cheikh Saadi dit encore une autre explication. Pourquoi Allah a répété je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Il dit, pour montrer que dans les actes, il est différent d'eux, mais que c'est quelque chose qui est devenu wasfan laziman. C'est-à-dire, c'est tout, c'est sa caractéristique qui est comme ça, et eux, c'est leur caractéristique. Bon, ça se rapproche de la première explication. Ça veut dire qu'en fait, il est comme ça, il ne changera pas, ils sont comme ça, et ils ne changeront pas. ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين. Donc c'est pour ça qu'Allah à la fin il a tranché entre les deux groupes. Il a bien distingué les deux groupes. فقال لكم دينكم ولي دين. Donc il a tranché en disant vous avez votre religion et j'ai ma religion. كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلتي. وفي آية أخرى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Donc ça, on le retrouve dans d'autres versets. Comme le verset qui dit, « Dis-leur, chacun agit selon à la shakilatihi, c'est-à-dire selon sa voix. » Et dans un autre verset, « Vous êtes innocent de ce que je fais et je suis innocent de ce que vous faites. » Donc aussi, cette sourate, elle a une histoire dans la sira. L'histoire de cette sourate, c'est que quand on regarde la sira dans la période mécoise, on voit que les nobles de Quraysh, ils ont toujours essayé de trouver des solutions pour se débarrasser du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans un premier temps, ils ont essayé de le faire taire, tout simplement. En disant à son oncle de lui dire de se taire. Ça n'a pas marché. Donc quand le faire taire, ça n'a pas marché, et qu'il avait plus en plus d'adeptes, plus en plus de musulmans, ils sont passés aux négociations. Donc ils ont essayé de négocier avec lui. Par exemple, un jour, ils ont discuté entre eux, et Utba ibn Rabi'a, il a dit, moi j'ai une idée, la meilleure idée, c'est qu'on lui propose, s'il veut être le roi de Quraysh, s'il veut qu'on lui donne toutes les femmes qu'il veut, tout l'argent qu'il veut, on lui donne, mais il ne parle plus sur nos dieux. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est que il arrête de parler sur leur divinité, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dénigrait, c'est-à-dire il disait que vos dieux sont des faux dieux. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Il leur disait que c'était n'importe quoi. Et quand Utba il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a donc en tête à tête et il lui a proposé ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé parler, il lui a dit Antahayta ya Utba, il lui a dit tu as fini Utba, il a dit oui, il lui a dit maintenant écoute, Bismillahirrahmanirrahim, et il a récité le début de la sourate Az-Zumar. Et le début de la sourate Az-Zumar, ça parle que de Tawhid. L'ikhlas, le fait d'adorer Allah seul. Et Utba, il n'a pas su quoi dire. Et il est reparti et ils ont dit ça y est, il est ensorcelé. Donc il n'a pas voulu la négociation. Et une autre fois, donc il y a eu plusieurs, ils ont fait plusieurs essais. Et un des essais qu'ils ont fait avec lui, c'est qu'ils lui ont dit, ils sont venus le voir à plusieurs. Et ils ont dit, on va te proposer quelque chose. Tu adores nos divinités pendant un an. Et nous, on adore Allah tout seul pendant un an. Pendant un an, tu nous suis, et pendant un an, on te suit. Et on fait comme ça tout le temps. Et ils lui ont dit comme ça, si ce que tu dis, toi, c'est bien, ben, on va en profiter. Puis si c'est nous qui avons raison, tu vas en profiter. Et c'est là qu'Allah, il a révélé, « Qul ya ayyuha al-kafirun. » Donc, on voit que il n'y a pas eu de mujamala. Allah, il n'a pas dit, « Qul ya ashraf al-Quraysh. » C'est-à-dire qu'on y a Ayyuhal Kafirun. C'est-à-dire qu'il s'adresse à eux en les appelant Al-Kuffar, Al-Kafirun. Il n'y avait pas de Il n'a pas fait entre les deux, il n'a pas négocié. Il les a bien appelés en face, Al-Kafirun. Et ensuite, il a fait Al-Bara, La a'budu ma ta'budu. Donc, c'est pour ça que, pour la parenthèse, parfois il y a des gens qui parlent au nom de l'islam et ils ont un discours, ils utilisent des versets du Coran pour dire par exemple, l'être humain, il est libre de choisir sa religion. Mais ça, c'est vicieux de dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Est-ce que tu veux dire que, par exemple, nous on est en France, je peux pas forcer mon voisin à devenir musulman? Ça, c'est vrai, ça. Je peux pas, on force pas les gens. On leur explique, s'il veut suivre, il suit, s'il suit pas, bah, je peux rien faire. Si c'est ça que tu veux dire, c'est vrai. Mais certains, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent qu'en fait, l'insan hurrun fi aqidati, c'est ça qu'ils disent. L'être humain, il est libre dans sa aqida. Devant Allah, il est libre. Il peut choisir ce qu'il veut. S'il se trompe, c'est pas grave. S'il veut être musulman, il peut être musulman. Mais s'il veut être bouddhiste, il peut être bouddhiste. S'il veut être athée, il peut être athée. Et certains, ils utilisent, ils disent, la preuve. Lakum dinukum waliya din. Ihtiram. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit le premier verset? Qul ya ayyuhal kafirun. Il n'a pas dit qul ya ayyuhal ahbab. Ya ayyuhal insan. Le début de la sourate, il dit bien, vous les kafirun. Ça veut dire que l'islam il a tranché entre eux, al-muslimin ou al-kafirin, entre le haq ou al-batil, entre la vérité et le faux. Donc il n'y a pas de mélange possible entre les deux religions, ou entre l'islam et une autre religion. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi. Donc lakum dinukum waliya din, de la part du prophète, ça ne voulait pas dire je respecte que vous adorez Lat et le Uzza. Ben non, parce que tout le temps il était en train de leur dire que c'était n'importe quoi. Mais c'est dans le sens où, voilà, votre religion et la mienne, elles ne peuvent pas se mélanger. Je ne peux pas adopter la vôtre et vous adopterez pas la mienne. Sauf si vous délaissez complètement la vôtre. Si vous délaissez complètement la vôtre, vous pouvez entrer. Mais il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange possible. Et ce sens-là, ce qui est dommage, c'est que parfois certains musulmans, ils se font avoir. Pourtant, elle est dans la sourate, Qul ya ayyuhal kafirun. Tout le monde la connaît, la sourate. Pourtant, elle est claire. Et tu retrouves ça encore mieux expliqué dans plein de versets du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, on voit qu'il a mis en pratique cette séparation. Au point où, si on pouvait donner quelques exemples, un jour il y a un homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Navartu an anhara ibilal fi, si je me souviens bien, c'était Bouana. Bouana. Un endroit Bouana. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'était un sahabi et il a dit, j'ai fait le vœu, un navr, c'est quand tu t'imposes une ibada qu'Allah ne t'a pas imposé. Si tu fais ça, tu es obligé de la faire. Et il a dit, j'ai fait le vœu de sacrifier des chameaux dans un endroit qui s'appelle Bouana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de lui dire Aoufi bin Adrik, parce qu'il lui a dit fais deux, si tu as fait le vœu, tu dois le faire. Mais avant de lui dire, il lui a dit Hal kana fihi min alihati jahiliyati tu'bad. Et il dit, est-ce que dans cet endroit, avant, il y avait un dieu de la jahiliya? Il a dit là, non. Il a dit Fahal kana fihi aidun min a'yadihim. Est-ce qu'il y avait un rite de la Jahiliya dans cet endroit? Il a dit non. Quand il lui a dit ça, il lui a dit Fa'aufi bin Adrik. Vous voyez-le? C'est-à-dire que si l'endroit qu'il a dit l'homme, c'était un endroit où avant, c'est-à-dire que c'était plus le cas maintenant, mais avant, il y avait une statue que les gens adoraient, même si la statue elle a disparu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait dit tu le fais pas. C'est-à-dire qu'un endroit qui était un endroit de la religion des mouchriquins, on ne fait rien dedans. Et après, il lui a dit, même l'Aïd, un Aïd à eux, l'Aïd, ça veut dire une fête, une occasion religieuse. Il lui a dit, est-ce qu'ils ont une occasion religieuse dans cet endroit? Il a dit non. C'est-à-dire que s'il avait dit oui, il aurait dit, tu ne dois pas le faire, tu le fais dans un autre endroit. Donc il a complètement séparé entre l'islam et le shirk, entre l'islam et la jahiliya, dans beaucoup de choses. On passe à la sourate suivante. Bismillahirrahmanirrahim. Donc le cheikh il dit tafsir surat an-Nasr wa hiya madaniya. Donc elle s'appelle surat an-Nasr wa hiya madaniya, c'est-à-dire qu'elle a été révélée après la Hijra. Donc quand une surat elle a été révélée avant la Hijra, on dit makkiya, même si elle n'a pas été révélée à Mecca. Elle peut être révélée dans un voyage ou un autre endroit. Et si elle est révélée après la Hijra, on dit madaniya, même si elle n'est pas révélée à Médine. Elle peut être révélée à Mecca, par exemple, pendant le Fath. Mais on l'appelle Madaniya, parce que c'est Al-Ahdul Madani. C'est l'époque de Médine. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Donc, quand viendra le secours d'Allah et Al-Fath, c'est-à-dire la victoire. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et que tu verras les gens entrer dans la religion d'Allah afwajan, c'est-à-dire par vague, en grand nombre, les uns après les autres. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, c'est-à-dire dis subhanallah, mais bihamdi rabbik, par la louange de ton Seigneur. En fait, ça veut dire dis subhanallah et dis alhamdulillah. Fais le tasbih et fais le hamd. On avait déjà expliqué, et tasbih, ça veut dire et tanzih. Faire le tasbih, ça veut dire, c'est dire qu'Allah, il n'a pas d'égal, il n'y a personne qui est comme lui. Il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfant, il ne tombe pas malade, il ne dort pas, il n'a pas de défaut, il ne meurt pas. C'est ça, subhanallah. C'est-à-dire que c'est renier tous les défauts à propos d'Allah. Et alhamdulillah, c'est le contraire. Alhamdulillah, c'est dire Inna Allaha azim, Inna Allaha aziz, Inna Allaha rahman, rahim, alim, qadir. C'est ça, alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah, ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu vantes Allah parce qu'il a toutes les qualités. Et en même temps aussi, ça veut dire que tu le remercies. Alhamdulillah, c'est les deux. C'est remercier Allah et vanter Allah. Wastaghfirhu et demande-lui pardon. Innahu kana tawwaba. Il est tawwab. Tawwab, donc, c'est un des noms d'Allah qui veut dire deux choses. At-tawwab huwa alladhi yatubu ala ibadihi. Tawwab, ça veut dire que quand les gens font tawba, il accepte, il leur pardonne. Et tawwab également, ça veut dire yuwaffiquhum lit-tawba. C'est-à-dire qu'il les guide pour qu'ils fassent at-tawba. Donc il les guide pour at-tawba et ensuite il accepte de leur part at-tawba. Donc on va lire directement l'explication du shirk parce que là il a fait longue explication. Fi hadhihi surati al-karima بشارة وأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم عند حصولها وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. Donc il dit dans cette sourate, il y a une bishara, c'est-à-dire une bonne annonce pour le prophète صلى الله عليه وسلم, une bonne nouvelle. Ensuite, il y a un ordre au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il doit faire quand cette annonce elle va se réaliser. وإشارة, إشارة c'est-à-dire une allusion, un signe, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas écrit dans la sourate, mais on le comprend. فَالْبِشَارَةُ هِيَ الْبِشَارَةُ بِنَصْرِ اللَّهِ لِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَتْحِهِ مَكَّةَ وَدُخُولِ النَّاسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا بِحَيْثُ يَكُونُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَأَنْصَارِهِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مِنْ أَعْدَائِهِ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الْمُبَشَّرُ بِهِ وَأَمَّا الْأَمْرُ الْأَمْرُ الرَّبَاطِ. Donc il dit la bonne nouvelle, c'est le secours d'Allah. Parce que la sourate a dit Iza ja'a nasrullah wal fath. Donc en fait, ici, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le secours d'Allah il va venir et le fath, la victoire, elle va venir. Donc le fath, c'est fath Mecca, mais pas seulement fath Mecca. La victoire de Mecca, mais pas seulement. Donc fath Mecca, qu'est-ce que c'est? Le rappel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reconquis Mecca, c'est-à-dire il a pris Mecca aux mouchriquins. Et Mecca, elle est devenue Dar al-Islam, comme Al-Medina avant elle. Ça, c'est Fath Mecca, la conquête de Mecca. Mais Al-Fath, ici, c'est général. C'est pas seulement Fath Mecca, c'est le Fath en général, c'est-à-dire la victoire. Donc il dit, en fait, Allah, il lui annonce qu'il va avoir la victoire et que les gens, ils vont rentrer en grand nombre dans l'islam et qu'ils vont être des suiveurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'avant, ils étaient les ennemis du prophète. Et ça, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans la Sira, il y a plusieurs marahis. Et la dernière marhala, la dernière étape de la sirah, c'est que, bien à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la péninsule arabique, tous les Arabes, ils étaient dans l'islam. Les gens, ils venaient entrer par tribus entières dans l'islam. Si bien que il s'est même occupé d'envoyer des lettres maintenant au roi des non-arabes, comme en Éthiopie, en Perse, les Roms en Europe, les Roms de l'Égypte, etc., etc. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. Donc l'ordre, c'est que une fois que ça va se réaliser, Allah lui dit, il lui a donné un ordre. Quand ça va se réaliser, tu dois faire le tasbih, le tahmid. Tu dois faire le tasbih, les louanges d'Allah aussi, et tu dois demander pardon à Allah. Il dit maintenant l'allusion qu'il y a dans cette sourate, c'est deux allusions. Isharatun li an yastamir an-nasr li hadha ad-din wa yazdada 'inda husul at-tasbih bihamdillah wa istighfarih min rasulih sallallahu alayhi wa sallam fa in hadha min ash-shukr wallahu yaqul la in shakartum la azidannakum wa qad ja'a wa qad wujida dhalika fi zaman al-khulafa' ar-rashidin wa ba'dahum fi hadhihi al-umma. لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان ودخل فيه ما لم يدخل في غيره حتى حدث في الأمة من المخالفة لأمر الله ما حدث فابتلاهم الله بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. Donc il dit la première إشارة, c'est que ce secours d'Allah, il va continuer. On peut le comprendre de la sourate. Ce n'est pas seulement dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah lui dit, le secours d'Allah va venir. Quand le secours d'Allah va venir, fais le tasbih, fais le tahmid. Donc ça, c'est une reconnaissance pour le secours d'Allah. Or, dans un autre verset, Allah a dit, la in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vous en rajouterai. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été reconnaissant pour le secours d'Allah, bien Allah il a continué le secours. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Al-Khulafa Al-Rashidin. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque d'Abu Bakr, donc Abu Bakr c'est spécial. Les 2 ans où Abu Bakr il était khalifa, Abu Bakr il a eu un nasr, mais un nasr spécial. Pourquoi? Parce que à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de la péninsule arabique, beaucoup de tribus qui sont sorties de l'islam dès qu'il est mort. Mais ils ne sont pas tous sortis de l'islam de la même façon. Il y en a, ils sont sortis de l'islam direct, c'est-à-dire en disant maintenant il est mort, on revient à la religion d'avant. Donc en fait, c'était des munafiqs. Ils n'y croyaient pas en vérité. Il y en a d'autres, comment ils sont sortis de l'islam? C'est en suivant des faux prophètes. C'est-à-dire quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, certains, ils ont dit, on est musulmans. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, mais on suit aussi Musaylima, c'est un autre prophète. Ou alors Al-Aswad Al-Ansi, c'est un autre prophète. Donc en faisant ça, ils sont sortis de l'islam. Ils sont devenus kuffar. Tout en pensant être musulmans. Et une autre catégorie, c'est ceux qui ont refusé de payer zakat. Ils ont dit la zakat, c'est seulement pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, on ne lui donne pas zakat, c'est-à-dire il ne peut pas récolter la zakat. Donc Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous combattus. Et l'histoire, elle est connue avec Omar. Quand Omar et Abu Bakr, il a dit, je vais combattre ceux qui ne donnent pas la zakat. Et Omar, il lui a dit, كَيْفَ تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Omar il a dit à Abu Bakr, comment tu vas aller combattre ces gens alors que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a donné l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et une fois qu'ils disent la ilaha illallah, ils ont mis leur bien et leur personne à l'abri de moi. Illa bihaqqiha, sauf, ça c'est dur à traduire, illa bihaqqiha, c'est-à-dire sauf s'ils ne font pas quelque chose que la ilaha illallah elle implique, un des devoirs de la ilaha illallah. Et Abu Bakr lui a répondu, wa inna zakata min haqqiha. Il a dit la zakat c'est min haqqi la ilaha illallah. Et après il lui a dit Wallahi la ufarraqu bayna salati wa zakah la uqatilannahum. Après il lui a dit donc celui, tous ceux qui différencient entre salat et zakat, je vais les combattre. Et il lui a même dit si je suis tout seul, je vais aller pour les combattre tout seul. Et là Omar il a dit Inch'Allah sadri ra'i Abu Bakr. Il dit j'ai su qu'Abu Bakr avait raison. Et donc Abu Bakr, lui, ce qu'il a fait, il n'a pas pu faire des futuhat. Il a fait la première étape des futuhat qui était Hurub al-Ridda, les guerres de l'apostasie. C'est-à-dire qu'il a combattu déjà pour ramener la péninsule arabique à l'islam de nouveau. Et donc c'est notamment dans Hurub al-Ridda qu'il a tué Musaylima. Il a envoyé Khalid ibn al-Walid et il y a eu des grandes guerres entre les musulmans et l'armée de Musaylima parce qu'ils étaient très forts. Et à la fin, ils ont tué Musaylima et ça, c'est, son histoire s'est terminée. Et donc, Omar, lui, après, il a pu engager les Futuhat. Et c'est sous l'époque de Omar qu'ils ont combattu les forces et Ar-Rum. Et ça a continué à l'époque de Othman. Après, ils ont été jusqu'au Maghreb, etc., etc. Ali, lui, il a eu plus de problèmes pour faire les Futuhat à cause de qui? À cause des Khawarij, qui sont apparus à l'époque de Ali. Donc Ali, au lieu de pouvoir combattre tranquillement les autres, il a dû s'occuper des Khawarij, c'est-à-dire ils étaient à peu près 3000 qui se sont révoltés contre lui. Et après, Bani Umayya, ils ont pu aussi continuer les futuhat. Surtout Muawiya, radiallahu anhu, également, il a continué les futuhat dans la Méditerranée, etc. Donc, tout ça pour dire que ce Nasr, ce secours, il a continué, cette victoire, elle a continué plusieurs décennies après la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, un grand nombre de gens sont rentrés dans l'islam. L'islam, il a atteint des régions qu'aucune autre religion a atteint en même temps. Puisqu'il faut savoir que l'islam, par exemple, il est parvenu en Chine. Les Chinois, ils payaient la jizya aux musulmans. Ils payaient l'impôt aux musulmans. Donc l'islam, il est parti en Inde également. L'Inde, elle est entrée dans l'islam à l'époque de Bani Umayya. Et dans un hadith, dans Sunan al-Nasa'i, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il promet le paradis à l'armée qui ouvrira Yaftah, c'est-à-dire qui va conquérir l'Inde. Et ça s'est fait sous Bani Umayya, sous les Omeyyades. Je crois que c'est à l'époque de Muawiya, ou après, je ne sais plus, radiallahu anhu. Il dit, mais après, quand dans la communauté on a commencé à contredire la religion d'Allah, eh bien Allah il a éprouvé cette communauté avec la division. Et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la progression, elle a duré pendant à peu près 200 ans, 300 ans, mais après c'est le contraire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Yushiku, comment il a dit le verbe ? Je ne sais plus c'est quoi. En fait, il a dit que bientôt vos ennemis, ils vont se réunir sur vous. Akalati ala al-qasa'a. Comme des gens autour d'un plat. Mais ils vont, ça veut dire qu'ils vont manger. Quand on regarde l'histoire, subhanallah, c'est exactement ce qui s'est passé. وَمَعَ هَذَا فَلِهَذِي الْأُمَّةِ وَهَذَا الدِّينِ مِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ مَا لَا يَخْطُرُ بِبَالٍ أَوْ يَدُورُ فِي خَيَالٍ. Ensuite, il dit, mais malgré tout ça, cette communauté, elle profite d'une grande douceur et d'une grande miséricorde de la part d'Allah. وَأَمَّا الْإِشَارَةُ الثَّانِيَةِ فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به. Là il veut dire dans le verset la umruk. Dans le verset Allah dit la umruk. Il a juré par la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله تعالى لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. Maintenant la deuxième allusion qui est dans cette sourate, c'est que le prophète va bientôt mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on le comprend? Donc déjà on peut raconter l'histoire, je pense que vous la connaissez tous celle-là, entre Abdullah ibn Abbas et Omar. En fait, à l'époque de Omar ibn Khattab, quand il faisait Shura, quand il faisait ses réunions, il faisait toujours entrer Abdullah ibn Abbas, alors qu'Ibn Abbas, il avait une vingtaine d'années seulement. Et un jour, les grands de Badr, ils se sont dit, lui, il a le même âge que nos fils. Donc pourquoi lui, il rentre? Il ne devrait pas rentrer avec nous. Nous, on est les Ashiyar, on est les vieux. Et donc Omar, il a voulu leur donner une leçon. Donc il leur a récité, il a déjà un Nasrullah wal Fath. Il leur a dit, qu'est-ce que vous connaissez sur le sens de cette sourate? Donc eux, ils ont dit tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Inna Allah ta'ala wa'ada rasulahu bin nasr wa bil fath, etc. Ce qui est écrit dans la sourate. Après, il a dit à Ibn Abbas, et toi, qu'est-ce que t'en dis? Et là, Ibn Abbas a dit, c'est Allah qui nous a prédit la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par cette sourate. Et Omar, il a dit, c'est ça que je connais. Il a dit, la a'lamu akthara aw ghayra ma taqoul. Et là, ils ont tous compris. Ibn Abbas, il avait quelque chose en plus que dans la compréhension du Coran. Maintenant, comment Ibn Abbas il a fait pour comprendre ça? Que la sourate, elle veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Là, le shir, il explique en fait comment de la sourate on peut retirer ça. C'est que dans un verset, Allah dit la amruk. Il a juré par là la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est amrun fardil. C'est quelque chose, c'est comme une bonne action en fait. Et il est connu que les bonnes actions, les bonnes choses, il faut toujours les terminer par l'istighfar. Par exemple, salah, on l'a fini par astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Al-hajj, fa'idha qadaytum manasikakum, fadhkurullah. On finit le hajj par le dhikr également. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fin des ibadats, il y a du dhikr ou il y a l'istighfar. Donc si Allah dit qu'après le fath, et la vie du prophète, elle sert à ça, elle sert à ramener le da'wah. Que maintenant tu dois faire l'istighfar et le dhikr pour finir hadha al-umr al-fadil, cette bonne action, ça veut dire qu'elle est terminée. Donc Ibn Abbas il avait compris ça tout seul. Que si Allah dit maintenant au prophète de faire le dhikr et l'istighfar, ça veut dire que l'œuvre elle est terminée. Comme salat, quand on dit astaghfirullah, elle est terminée. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il disait beaucoup dans le ركوع et le سجود après la révélation de cette sourate سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. C'est-à-dire فسبح بحمد ربك واستغفر. Donc il disait Subhanakallahumma wa tasbih wa bihamdik Allahumma ighfirli. Il le disait dans le ruku' et dans le sujoud. Et Aïcha, quand elle a dit ça, c'est Aïcha qui a rapporté ce hadith, elle a dit yata'awwalu al-Qur'an. Ça veut dire quoi yata'awwal? Elle dit yutabbiq. Il applique ce que le Qur'an a dit de faire. Il l'a appliqué de cette façon. Et ça, qu'est-ce que ça montre aussi? Par exemple, le cheikh, je ne sais pas si vous connaissez, Mohamed Amin Shinqiti, c'est un grand alim qui est mort il y a 30 ou 40 ans, un Mauritanien, mais il était enseignant au Masjid Nabawi. Et lui, il a écrit un livre sur le tafsir, ça s'appelle Adwaul Bayan, si vous pouvez le lire, c'est magnifique. Et il dit, quand il a fait le tafsir de cette sourate, il dit ça, c'est un rappel pour les gens qui font beaucoup d'awrad et les afkar. Et qui font les afkar avec, par exemple, juste le nom d'Allah. Allah, Allah, Allah. Ou alors, il y en a, c'est pire, ils disent Hu, Hu, Hu. Il y a les Ou alors, certains, par exemple, ils font Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Ça, c'est des afkar, ça n'existe pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur dhikr, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Subhanakallahumma wa bihamdik. Il n'a pas dit Allah, Allah, ou bien Hu, Hu, Hu. Donc il dit, il dit le bien, c'est de suivre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux faire du dhikr, tu veux te rapprocher d'Allah, fais-en autant que tu veux, mais fais comme il a dit. Subhanallah, alhamdulillah, etc. Alors que Allah, Allah, Allah, Allah, bien, hu, déjà ça n'a pas de sens. Quand tu dis Allah, c'est pas une phrase. Allah, c'est le nom d'Allah. Quand on regarde tous les afkars du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça avait un sens. Subhanallah, c'est une phrase. Alhamdulillah, c'est une phrase. Allahu Akbar, c'est une phrase. La ilaha illallah, c'est une phrase. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est une phrase. Astaghfirullah, c'est une phrase. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, etc. C'est une phrase. Mais Allah, si tu viens à quelqu'un, tu lui dis Allah. Quoi? Allahu a'lam, Allahu akbar, qu'est-ce que tu veux dire? Allahu ilahun wahid, Allahu ghafurur rahim. Il faut dire quelque chose, sinon c'est juste à dire un nom, le nom d'Allah, mais quoi? Donc, ça prouve que c'est ce genre de afka, ils sont pas, laysat mashrou'a, c'est pas, ça n'existe pas tout simplement dans la religion, c'est pas recommandé de le dire. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabbul kalam ilallahi arba. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tout simplement. Les paroles qu'Allah préfère sont au nombre de 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Il n'a pas dit de dire hu, hu, hu, hu. Ça, c'est les khurafat, etc., etc. On s'arrête là, inshallah ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-Qur'an, al-hafidhina al-Qur'an, al-talina al-Qur'an, haqqa tilawatihi wal-mutadabbirina lah, wal-amilina bih, wal-da'ina ilayh, wal-mujadilina bih, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين.